Attention, coup d'envoi. Il y a un problème. Petit problème. Oui, ah, voilà, c'est bien marqué. Ouais. Alors attends, faux départ, on peut y retourner? Romano, t'as trop vu ou quoi? Non, 2, 1, voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Fredo? Je sais pas, la fin, genre 6h, 9h, un truc comme ça. Ah, tu veux la fin du jingle. Mais la fin de la bande-annonce, Romano, Fredo. Ah ouais, bah, t'es pas chiant. Non, mais. Alors attends, 2 secondes. Attends. Non, mais on y va, sinon on y va. Non, attention, Fredo, tu as demandé quelque chose. Oui, bah oui. Ah, mais je t'ai dit, il faut que je chante comme hier soir. Non. Allez, je mets là un titre. J'ai la fin. Parfait. Attention. Ciao. Et ça peut rapporter 1 500 euros cash. Prochain appel demain matin à 7h dans le morning de Difool sur Skyrock. Voilà. 100% voilà. Explicit lyrics. Bravo. Ouais, c'est parti. Ciao l'équipe. La nocturne. Ciao. On y va, ciao. C'est parti pour la nocturne 100% rap français. C'est vrai que depuis quelques temps, on bloque un petit peu sur les sons qui viennent de Roubaix-Tourcoing avec Gradure. Dossé était là cette semaine. Et dans la nocturne, j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe un peu partout dans les villes. Alors sans vous faire d'ombrage ou de sans vous vexer, mais des villes un peu plus moyennes, on peut dire, non? Voire même petite 40 000 habitants. Voilà, 40 000 habitants, des villes comme Montluçon, et il y en a plein en France en tout cas. Ouais, parfaitement. J'ai donc décidé de vous recevoir parce que c'est vrai que ça part d'une rencontre en fait. J'ai eu la chance de vous rencontrer à Orléans, j'allais dire à Montluçon. Passez, vous rencontrez un petit peu, rencontrez plein de jeunes là-bas à Montluçon. Et je me suis dit, tiens, on va faire une nocturne un jour quand vous aurez un projet à sortir. Eh ben merci. Et c'est le cas, puisqu'il y a l'ami Tariq qui est là avec nous. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. En pleine forme? Ouais, je suis en pleine forme. Je cache pas que voilà, je suis tout ému. J'ai plein de bonnes vibrations à l'intérieur. Voilà, merci de m'avoir invité pour ce projet-là, Mentalité d'attaquant. Voilà, Mentalité d'attaquant qui sort la semaine prochaine. Hein. Qui sort le 25 mars, c'est ça. Ouais. 25 mars, c'est un projet qu'on peut trouver en digital aussi? Oui, incessamment sous peu, ouais. D'accord, ou sinon en CD, hein, pour ceux qui veulent. Voilà, en physique, dans très peu de temps. Et puis en dehors de ça, c'est vrai qu'il y a toute une histoire aussi, même pour vous, à Montluçon, il y a un groupe qui s'appelle Noir sur Blanc, dont tu fais partie. Parfaitement. Avec un autre de tes compères qui est là. Non, qui est pas là. Qui est pas là, mais. Il s'appelle Yann Seka. Mais j'ai envie de dire Hicham, qui est un peu le compère aussi de l'histoire. Bien sûr, c'est le patriarche un petit peu. C'est le patriarche de la ville. C'est exactement comme ça qu'on le considère dans notre équipe. Et ouais, il y a mon compère, mon doublon, Yann Seka, qui lui aussi a sorti son album solo qui s'appelle La route est longue. Et voilà, aujourd'hui c'est mon tour, Mentalité d'attaquant, donc le 25 mars. Et voilà, je voulais mettre un coup de projecteur en tout cas, voilà, parce que je sais que ce qui est intéressant, c'est que vous attendez pas forcément les médias, qu'on vous diffuse, voilà, il y a des gens qui rappent un peu partout, mais qui s'organisent, qui trouvent des studios, qui font qu'à un moment ils trouvent des concerts, voilà, c'est de la débrouille en fait. Ouais, c'est un peu ça, je comprends ta question en fin de compte. Comment on peut faire du son à Montluçon, c'est vrai, c'est un peu bien ça, joué, ta question. Ouais, c'est ça. Non mais Montluçon, mais représentatif de plein d'autres villes. Et d'autres provinces de France, bien sûr. Eh ben écoute, c'est très simple, quand on est passionné, les choses se font. Alors c'est vrai que même avec la passion, c'est pas simple. C'est pas simple d'enregistrer, d'avoir un studio, tout ça, ça demande quand même quelques moyens. Mais bon, comme tu le disais tout à l'heure, on a un historique, Noir sur Blanc. Mm-hmm. Noir sur Blanc existe depuis 96. Ouais. Donc voilà. Vous avez signé avec Rost aussi, qu'on peut saluer. Ouais, parfaitement. Un petit clin d'œil à Rost de CMP. Ouais. CMP. Voilà, on a signé, ça devait être 2004, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a tout un parcours semé d'embûches, de virages, de déviations, etc. C'est vrai que on commence à charger le sac à dos. On a plein de choses à dire. Il a fallu se construire, il a fallu investir sur un minimum de matériel histoire de pouvoir construire un home studio pour pouvoir s'enregistrer, etc. Et vendre ensuite un peu la main à la main, vendre aussi sur des réseaux spécialisés. Tous les moyens sont pratiquement bons, je vais dire ça comme ça. Et ben, pour découvrir un petit peu le parcours de l'ami Tariq, de Noir sur Blanc, Hicham, je te salue aussi parce que je disais, en fait, je te vois comme un double, mais c'est vrai que tu fais partie de l'histoire. Hein, non, mais je te salue également, Fred. Hein. Tu faisais référence tout à l'heure à ta venue à Montluçon. Mmh. Ce 10 mai 2000. Déjà? Ouais, 10 mai déjà. 10 mai 2014, ça va faire plus d'un an déjà. La date d'anniversaire, donc voilà, le lien s'est créé. J'en profite pour au nom de toute la jeunesse de la province et de Montluçon notamment, ils te remercient aujourd'hui d'avoir fait le lien avec avec l'ami Tariq pour la sortie de son album. Mmh. Notamment, on présentera un peu plus tard un jeune qui fait partie de ton projet que tu as initié à Montluçon, qui est Sébastien, qui est parmi nous aujourd'hui. Parce que, au-delà de la musique, on est quand même venu avec un rôle un peu d'éducateur. Exactement. Comme je disais, un peu d'éducateur urbain, d'éducateur de terrain. Donc, faire le lien, tout ça. Faire de la musique c'est bien, mais faire de la musique pour rien derrière, c'est pas le but. C'est d'avoir ce rôle quand même, pas d'enseignement, mais d'éducation. Voilà. Hmm, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et ben voilà, c'est parti. C'est vous qui prenez le contrôle de la Nocturne. Merci. Et pour mieux vous découvrir, on va débuter avec donc ce groupe qui s'appelle Noir sur Blanc. L'ami Tariq ici présent. L'ami Tariq qui est né quand d'ailleurs, Noir sur Blanc, et il y a combien de temps? Noir sur Blanc, c'était juillet 96. Juillet 96. Ouais, ça commence à dater. On a commencé un peu. À la même époque, tous les artistes qu'on a entendus, qu'on a vus et revus, on n'a pas vécu mal la chose. Nous, on se compare à personne. On a fait notre petit bonhomme de chemin. Voilà, on a eu, tout ce qui nous est arrivé reste positif. On considère pas qu'il y a d'erreurs. On considère pas que c'est trop tard. On considère pas qu'il y a des échecs. On se dit juste que tout n'est que expérience. Voilà. Et ben on y va, on va découvrir maintenant Noir sur Blanc, Enfant du Monde. C'est un projet qu'on peut trouver encore, celui-ci. Ouais, parfaitement. Ouais. Et puis l'ami Tariq, ça arrive la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Mentalité d'attaquant, on va en parler dans quelques minutes. Balancez vos messages, tiens. Si vous aussi vous êtes dans des petites villes, dans des petits coins, dites-nous si vous rappez près de chez vous. Ouais, balancez des messages. Ça arrive là en plus. Ça arrive. Sur l'écran là en face. 41759, le hashtag Skyrock, le hashtag La Nocturne, ça arrive direct dans le studio. Ça se défoule en plus là. Je vois qu'il y a beaucoup de messages. Nous, on a reçu plein de soutien de la part de nos amis de la province, que ce soit à Montluçon ou à Clermont-Ferrand, Vichy, Moulins. On a reçu beaucoup de messages via les réseaux sociaux, via nos cellulaires aussi. Et vous inquiétez pas, on est là, on représente tout notre 03, tous les gens qui nous connaissent, tous ceux qu'on aime, tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous ralentissent parce qu'on a besoin d'eux. C'est aussi ce qui alimente, c'est un peu le charbon dans la locomotive. Et voilà, on fait ce qu'on sait faire. Coup d'envoi. Coup d'envoi de la Nocturne. 100% Planète Rap. La province au rendez-vous. Noir sur Blanc, le projet s'appelle Enfant du Monde. Et après, il y aura un son de l'ami Tariq, Mentalité d'attaquant, qui arrive mercredi. Mercredi prochain. Mercredi prochain, le 25 dans les boîtes. Un son qui respire la santé, tous les groupes dans l'ombre en province qui font mal. Un jour notre musique verra le jour et fera pas de scandale. T'inquiète, on fait notre son, mec, appuie sur la sonnette, car ça fait longtemps qu'on pédale. Si c'est plus le rock, la pop, le métal, mais on prescrit du hip-hop sur ordonnance médicale. On vient vers son délai. Analyse turbin. Toujours au turbin. Sans savoir où l'on va. D'où l'on vient, on se souvient. On représente tous les patelins dispersés dans les quatre coins de la France. On n'est pas là pour faire, mais apporter nos différences. Écoute le son du 0300. Danse. On est venu bousculer les consciences. Avec le cœur, les tripes et la patience. C'est comme ça qu'on s'en sort. Il n'y a qu'en croyant qu'en ce qu'on fait qu'on peut défoncer les portes. Donne l'alerte. Noir sur blanc, déclare la manière. Pour tous nos frères dans l'ombre, loin de la lumière. Sans chercher à plaire, mais pour être respecté. Notre musique, y'a ça que l'on sait faire en vérité. On vient vers son DNB, où est marqué vous. On se donne où chez vous. Ici on est nombreux, ça peut venir de partout. C'est la province au rendez-vous. On vient vers son DNB, où est marqué vous. On se donne où chez vous. Ici on est nombreux, ça peut venir de partout. C'est la province au rendez-vous. On vient vers son DNB, où est marqué vous. On se donne où chez vous. Ici on est nombreux, ça peut venir de partout. C'est la province au rendez-vous. On vient vers son DNB, où yeah. Mon lui son cœur monte. Nocturne. Ouais, ouais. Boum, boum, roulez, fume, perso. Mesdames, messieurs, j'suis parti sur l'une, premier saut. Typon, frappe de salaud dans la rue. D'une passe dans le dos, j'leur casse les reins. Oui, j'leur casse le cul. Une rage venue d'ailleurs. Mon arrivée imprévue, oh, fraîcheur. Démonstration de maître, mentalité de gagneur. À la maison, on ne tolère pas la défaite, non. Suffit d'une occasion pour réaliser le geste. Suffit d'un moment flottement dans la défense adverse pour qu'on les pète. À la fin on reste. Ouais. On file tout droit au but sans se prendre la tête. Yeah. Hey, c'est l'ami Tariq. Mentalité d'attaquant. On dit les choses comme ça et pas autrement. L'ami Tariq est premier solo. Mentalité d'attaquant. La famille c'est noir sur blanc. Ça c'est pour mon 0300, mon Luçon, Clermont-Ferrand. Yeah. On dit les choses comme ça et pas autrement. C'est la nocturne 100% rap français, l'ami Tariq au contrôle, Montluçon au contrôle. Montluçon. Ah. Mais en même temps, j'ai envie de dire Montluçon, mais pour la France entière. Hein, ouais, pour toutes les provinces de France. Voilà, pour toutes les provinces de France. Tous ceux qui sont éloignés des villes où un peu tout se passe, comme Paris et Marseille, hein, on va pas se voiler la face. C'est vrai, hein. C'est vrai, qu'il y a un axe, Tout est centralisé ici. Mais comme on l'a toujours dit, ce qui est un inconvénient peut devenir un avantage. L'inconvénient de la province, c'est que voilà, il n'y a pas toutes les structures, mais bon, il n'y a pas tous les groupes qu'il y a sur Paris. Et voilà, c'est peut-être moins difficile de sortir du lot, quoi. Je dis pas que je veux pas dire que je sors du lot, mais bon, on est repérable plus facilement, on va dire ça comme ça. Bon, mentalité d'attaquant, ça arrive mercredi dans les bacs. Ouais. On peut le trouver en support physique, en téléchargement. En support physique, en téléchargement. Juste à côté, là, à la Fnac. Réseau Fnac. Réseau Fnac complet. Parfait. Et Fnac Châtelet Léal, il sera disponible à partir de mercredi sur tout le réseau des Cultura, les espaces culturels, les Leclerc. Donc voilà, chez tous les bons disquaires en province, voilà. Ce qui fait plaisir, Fred, c'est que il y a une avalanche de messages qui arrivent là. Allez-y, allez-y, hein, 41759. 41759, mais ça vient de partout, Guéret, Limoges, Moulins. Je vois les messages qui continuent de défiler. Le Puy-en-Velay, 43. Voilà, l'ami Tariq, tu viens de notre village. Tu vois, c'est toute la province aujourd'hui qui est représentée. On n'est pas là seulement pour présenter notre ville ou un petit coin d'une ville. C'est toutes ces villes, comme disait Tariq tout à l'heure. C'est toutes ces villes, toutes ces petites villes de province. Donc il y a des artistes également, hein. Il y a des jeunes un peu partout. Ouais. Et, ça rappe de partout, c'est la bonne nouvelle. Ouais. 41759 pour les messages, le hashtag de la nocturne. On va balancer un son maintenant. On repart sur quoi? Sur mentalité d'attaquant? Ouais. Voilà, c'est un extrait de ton projet qui sort. Voilà, c'est le titre le 25. Phare de l'album. Ouais. faut qu'ils voient, faut qu'ils écoutent et qu'ils comprennent. Mentalité de Tarkan. C'est le 25 mars dans les bacs. Et comprennent. Jamais je ne recule devant l'adversité. Mentalité d'attaquant depuis tout petit dans ma cité. Mon meilleur défaut, ma vivacité. Ma pire qualité, éternel insatisfait. Jamais je ne recule devant l'adversité. Mentalité d'attaquant depuis tout petit dans ma cité. Mon meilleur défaut, ma vivacité. Ma pire qualité, éternel insatisfait. J'ai d'une flèche à mon arc. Dans mon sac, rien n'a passé, plein de vécu. J'suis venu rattraper le retard et essuyer mes larmes au PQ. Mentalité d'attaquant, efficace. Ma vie, pas une pute, mais une lutte. Il suffit pas d'avoir la force du lion. Faut être un renard des surfaces et avoir le sens du but. Moi et mon équipe, on occupe tout le terrain. Et on met le coup de rein. Animal instinct fixe, comme moins contraint. MC, tu peux porter le numéro 10. Si t'as les pieds carrés, ça sert à rien. Va tirer le banc et plucher les oranges. Faire de la danse. Homme de terrain, Dieu est mon seul guide. Et c'est Iblis à la relance. Par de l'attaque et l'attaque de la défense. On anticipe toujours avec un temps d'avance. Mentalité d'attaquant. À tous les gens que j'aime pour qui j'avance. Pas, pas. Ça c'est pour mon équipe. Mentalité d'attaquant. L'ami Tariq, oh. Jamais je ne recule devant l'adversité. Mentalité d'attaquant depuis tout petit dans ma cité. Mon meilleur défaut, ma vivacité. Ma pire qualité, éternel insatisfait. Jamais je ne recule devant l'adversité. Mentalité d'attaquant depuis tout petit dans ma cité. Mon meilleur défaut, ma vivacité. Ma pire qualité, éternel insatisfait. En une, deux, tac, tac, je passe sur le côté. J'évite les tacs, frappe, jamais en force, mais toujours placé. En forme, après avoir longtemps été blessé. Avec une faim énorme, je veux progresser. Aller au sommet de mon art, en évitant les tocards, car j'en ai vu plus d'un repartir sur les brancards. Objectif et honneur à tous ceux qui nous regardent, à tous nos frères et tous nos supporters. Je pars dans le dos de mes adversaires et je joue dans la lucarne. Joue avec les deux pieds, mais joue surtout avec la harne. Ici personne t'épargne, faut viser haut. On est venu pour la gagne, seulement pour la gagne, frérot. On veut pas jouer le bas du classement, mais le haut du tableau, oh. De la mater à la primaire, avec mes potes, nos parties de foot sous le préau. Faut qu'ils voient. Hey, c'est pour tout le 0300, Montluçon, Clermont-Ferrand. On est venu représenter toutes les provinces de France. Mentalité d'attaquant, yeah. Fétiche numéro 8. Un sans mort dédicacé à tous les artistes, tous les sportifs en manque de réussite. Avec les tripes, on s'en sort. Attends la suite, ou prends la fuite. Des orateurs, orateurs, opérateurs, aux abords de la zone de vérité. Transporteurs, dribbleurs, rimologiques de qualité. On veut tous marquer l'histoire. Rentrer dans la légende, battre les records. Pour ça, faut ta fêture. Et même quand les gens dorment, on n'est pas là pour le top, le bronze, l'argent. Mais pour décrocher la médaille d'or, DJ, balance mon son dans les platines. Fais crier le diamant. Et on voit l'instru que je l'attends. J'ai besoin de mort. Oui, pour pas finir sur un score nul ou une défaite. Mentalité d'attaquant, esprit de guerrier, morale de combattant. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. C'est pour mon équipe, c'est pour toute ma ville. Mentalité d'attaquant. Voici l'album solo. Mentalité d'attaquant. Le 25 mars, yeah. En direct de Skyrock. Mentalité d'attaquant, mon pote. Un petit clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent, à tous les auditeurs de Skyrock, sur la nocturne. Hey, c'est Montluçon au micro. 100% rap français. Planète rap. La nocturne. C'est mon Luçon Marseille en une spéciale pour propagande musique. Hors tempo, on fuck le star system. Pas de gris-gris, droit au but comme l'OM. Pas besoin de créatine, de bling-bling ou de silicone. Avec Miklos Simo, on ramène l'authenticité par le col. Fatigué de voir ce monde perverti, on tous en scène. Jette un œil dans les cours, tu verras les petits se scènes. Et nana, rêve toute ivresse. À 14 piges, veulent déjà atteindre le nirvana. Tout n'est qu'une histoire de cul et de sous. Plus d'amour et plus de valeur, donc ça fait plus de fous. Tout va plus vite avec internet. C'est crédit illimité, plus de réflexion, plus d'identité. Mais jusqu'où iront-ils, à quoi sont-ils prêts? Après cette foutue à Walpé, mon Dieu, pardonnez-les. Préservez-nous et S'il faut condamner les, on est un peu trop rétro, un peu trop à l'ancienne. Micro Simon, la Mitarix, c'est mon Luçon Marseille. Fidèle à nos principes classiques, authentique musique, en mode artisanal, fabrique. Un peu trop rétro, un peu trop à l'ancienne. Micro Simon, la Mitarix, c'est mon Luçon Marseille. Fidèle à nos principes classiques, authentique musique, en mode artisanal, fabrique. Je rappe, je chante et je t'emmerde. C'est ma cantine et sa mauvaise graine. Je plante un peu partout, j'ai des langues pour les pouilleux, des larmes pour les anxieux, des cordes pour les sanctions. J'investis avec le cœur, je suis à l'ancienne garçon. N'attends pas que je m'abstienne, goûte à l'absinthe, moral hameçon. Fort et fier, sans contrefaçon, moral absent. Je porte le poing et l'accent, je me sens vexant, tout en me relaxant. J'emmerde le sionisme, je suis sur le texan. T'es devenu fou, panique, les ignares me prétextant. Le verre intelligent, tragique, pas dansant, dealer en t'agrippant. Classique sera le bensin. Paris que j'ai démodé en modèle, avéré, modelé, avéré, qui a fait abuser. Paris, sur qui sort les gros en voyelle. Qui l'a cru le peu plus dans le creux, fait la queue. Tu veux du rap, je t'offre une papale. J'crie à la révolution, j'fais du rap de papa. Jeune papa gel, enfile le papa gel. Au plus j'ai de l'espoir, au plus je maigris seul. Un peu trop rétro, un peu trop à l'ancienne. Micro Simon, la Mitarix, c'est mon Luçon Marseille. Fidèle à nos principes classiques, authentique musique, en mode artisanal, fabrique. Un peu trop rétro, hey, c'est mon Luçon Marseille. Micro Simon, la Mitarix, c'est mon Luçon Marseille. Fidèle à nos principes classiques, authentique musique, en mode artisanal, fabrique. De 8 qui mettent des boîtes, 16 ou 24 qui mettent des droites. J'fais pas de polémique, mais faites pas trop les macs. Reste cool et calme, tu fais le fou, j'te canne. Les mots ne font pas l'homme et la bine fait pas le moine. J'prêche des bonnes paroles, c'est pour préserver mon âme. J'connais la vie, la vraie, celle qui forge les vrais bonhommes. Quand j'y pense, j'ai du vague à l'âme. Période vagabonde, hagrabande, gros complot. Crée la propagande, mon zèque, c'est tout pour l'art. Rappeur, graffeur, breaker, les choses se passent et se greffent dans le décor. J'y mets tout mon cœur, vraiment, tout donné. Après tant d'années, dénier, j'fais le point tourné. Ça vient du 13, donc laisse tourner. La danse des loupards après te tape, c'est ma favorite. Depuis les premiers pas, j'rappaille tes comiques. Mais j'fais pas le fou jamais, ne vous méprenez pas. Si t'insistes, c'est parce que tu connais peu. Ou connais pas au point de croix, connais peu et que dans l'under on me connaît pas. Simon de la ruine, c'est la street tout en décalé. Depuis l'époque des Siao, et sans trop rattraper. On est un peu trop rétro, un peu trop à l'ancienne. Miklo Simon, la Mitarix, c'est mon Luçon Marseille. Fidèle à nos principes classiques, authentique musique, en mode artisanal, fabrique. On est un peu trop rétro, un peu trop à l'ancienne. La Mitarix, c'est mon Luçon Marseille. Fidèle à nos principes classiques, authentique musique, en mode artisanal, fabrique. Eh, c'est pour toutes les provinces de France. C'est la Mitarix en direct de Skyrock. Mentalité d'attaquant, mon pote. C'est la nocturne au contrôle, la Mitarix. Il est là avec nous avec son projet qui arrive la semaine prochaine, le 25 dans les bacs. Ouais. Mentalité d'attaquant. On écoutait à l'instant un morceau qui s'appelle Un peu trop rétro, c'est un ça? Un peu trop rétro, c'est ça. Ouais. Avec des Marseillais? Ouais, parfaitement, ouais. Ouais, j'ai bien compris. Avec propagande musique. Ouais, l'accent de Paris, c'est sûr qu'on met pas longtemps à le repérer. De toute façon, on les voit un peu de loin, hein, les Marseillais. Hein, ils ont leur vrai, style aussi à eux qui leur va bien. Donc, eh bien, alors, par exemple, comment on fait des connexions? Toi, t'as fait des concerts à Marseille, t'as bougé aussi, t'as fait plein de choses avec le groupe, avec Noir sur Blanc. Ouais, on a fait pas mal de choses. Enfin, les trois quarts de tout ce que j'ai fait, c'est avec Noir sur Blanc, hein, avec mon compère Yann Seca, je le répète. Et oui, on a voyagé pas mal. On a été à part du côté de Strasbourg et du côté du Finistère, Rennes, on a dû aller à peu près partout. Alors les Bretons et les Alsaciens, qu'est-ce qui se passe? Ça caille trop. Ouais. C'est une histoire de climat. Ouais, non, c'est ça, en fait. Nous, on se présente partout où on nous invite avec plaisir. Hein. La particularité du groupe, Fred, c'est que au jour d'aujourd'hui, à notre compteur, on a peut-être 600, entre 600 et 700 scènes. Tu vois. Ouais, c'est important, ouais, aussi. Ouais. C'est un truc que quand on se présente, quand on va dans, chez les médias ou même quand on est dans le milieu de la musique, quand on nous dit, mais putain, en 96, vous avez fait la première partie des Kerry James, les 113 et tout. Je vois les messages là qui défilent encore, on dit, putain, on croirait Sniper. Ouais, c'est vrai. On nous a toujours apparenté à ce groupe-là, Sniper et tout. Il y a des messages que je voyais défiler. On les a tous fait. On a fait même des tournées au plan national, on a fait tous les tremplins, que ça soit le printemps de Bourges, Jacques Higelin, tous les tremplins. On a fait beaucoup aussi de premières parties. On a vraiment débuté dans notre quartier à Fontbouillant, dans Montluçon. Fontbouillant, c'est vrai que c'est. Ouais, Fontbouillant. Tu dis les mecs ont appelé un quartier Fontbouillant. Ah, parce que je t'explique rapidement, ouais. C'est que. En dessous, c'est des marécages, donc le nom n'a pas été inventé comme ça. Donc voilà, les fonds bouillants. Non, mais je veux dire, il colle quand même à une actualité, quoi. C'est ça qui est assez dingue. Ouais, quoi. Ouais, ça a toujours été bouillant si tu veux aller par là. Bon, en tout cas, l'ami Tariq, ça sort le 25. Il est là avec nous. Il est au contrôle de la nocturne. Il y aura du live aussi, hein, tout à l'heure. Ouais, il y aura du live, bien sûr. Et on est reparti avec un extrait de ton album Mentalité d'attaquant. C'est Dancing for My Music. Voilà, c'est un titre un peu différent des autres. C'est un titre un peu basé sur la funk. Ça me fait rappeler ma période que j'ai eue quand j'étais sur Lyon. J'ai vécu une. Ah, les Lyonnais, la funk, il y a un truc particulier, hein. Ouais, et puis voilà, ils écoutent tous de la funk. Ça me rappelle cette époque-là. Quand j'écoutais le son, bon, je me suis dit, allez, on y va. Et voilà. Ben, on y va. Nocturne, l'ami Tariq, au contrôle. Sur Skyrock, le 25 mars, dans les bacs. Dancing, dancing, jump, jump, jump. Dancing, dancing, jump, jump, jump. Dancing, dancing, jump, jump, jump. Dancing, dancing, jump, jump, jump. Je m'invite sur le beat, sur un son funky. C'est qui l'ami Tariq, t'as compris. Grosse basse, grosse caisse, caisse claire. Le son est speed, mais j'arrive pépère. Tranquille, pile, quand il faut, où il faut. On a le style hostile des mecs du ghetto. Lunettes noires, instinct du faux vent. Costard, cigare à la bouche, bouche pour ma musique. Que la foule s'agite, oui c'est dancing, dancing for ma musique. Tout le monde est classe, l'ambiance est nice story. D'une chaleur comme en Floride. Un son qui fait bouger les plus timides. À faire péter à fond dans tous les bolides, hey. C'est dancing, dancing for my music. Everybody dancing, dancing for my music. Everybody dancing, dancing for my music. Everybody dancing, dancing for my music. Everybody dancing, dancing for my music. Everybody dancing, dancing for my music. Everybody dancing, dancing for my music. Everybody dancing, dancing for my music. Dancing, dancing, jump, jump, jump, jump, fuck, fuck, fuck. Leur pronostic, on a la super cup, cup, cup. Ghetto, nightclub, music, old school. Mais on a aussi du son new school. Tout est servi, soirée cool. Les poules sont sexy, rendent fou les MC. Pas de danse précise, technique aussi. Rapide qu'un dribble à Messie. Mesdames, messieurs, j'insiste, je persiste les cils. J'ai sorti mon plus beau costard du dressing. Pour être en ligne, un coup de parfum et un coup de peigne. Ladies and gentlemen, oui c'est dancing, dancing. Aujourd'hui ils ont suivi notre route. Les histoires de flingues, de drogue et d'argent Ne figure pas que dans les Wins and the Hood, quand on est jeune, on traîne en bande. Ensuite, on fait deux avant d'être vieux et repartir vers les cieux. J'espère que ça ira mieux pour eux, oui mon Dieu, j'espère que ça ira mieux. Suis-je de ceux qu'on appelle les chanceux? Tôt j'ai compris que ça tourne au vinaigre. Quand je les vois, je suis plus gros qu'eux, mais pourtant tout le monde voit que je suis maigre. J'ai vu trop de frères et sœurs à terre, désintégrés par la poussière, pas celle des anges, mais des démons. Ouais, celle qui peut exporter à vitesse grand V un putain de train avec un tas de voyageurs. Des petits, des grands, des moyens, tous partis ailleurs. Dans la vie, y'a certaines portes qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Ne cherche pas le diable ou il viendra à toi. Protège-toi et rappelle-toi que tu finiras perdant si tu joues à ce jeu-là. Dans la vie, y'a certaines portes qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Ne cherche pas le diable ou il viendra à toi. Protège-toi et rappelle-toi, tu finiras perdant si tu joues à ce jeu-là. J'emmerde tous les dealers de poudre et leur marché. Sachez qu'un jour, c'est peut-être à vos gosses qu'on vendra la mort en sachet. Vous êtes des lâches et même pire, des meurtriers. Comment faites-vous pour vivre caché? Vous êtes grillés et de mèches. Les vipères traînent en starcose, prennent pour des flèches. Brasse ta coke, ton crack, ton héros. Crois surtout pas que t'es un as, un héros. Mais un as, un blaireau. Crois surtout pas que t'es respecté MC. Tu peux la défaite, ressens la rage au bout de mon micro. T'as eu peur d'aller taffer, de te lever tôt. Vas-y, fais le show. Un jour ou l'autre, y'aura du genre plus chaud que toi. Pour te foutre un coup de couteau. Mais si c'est pas l'hosto, ce sera la tôle. Qu'apprendras-tu à ton monde? Comment faire pour vendre des kilos de coke? Je veux mon fric. Je veux mon fric et la marchandise du news. Ouais, tu crois que c'est ça, être un bon homme? Dans la vie, y'a certaines portes qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Ne cherche pas le diable ou il viendra à toi. Protège-toi et rappelle-toi, tu finiras perdant si tu joues à ce jeu-là. Dans la vie, y'a certaines portes qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Ne cherche pas le diable ou il viendra à toi. Protège-toi et rappelle-toi, tu finiras perdant si tu joues à ce jeu-là. Si je rappe aussi vénère, c'est parce que je connais le sujet. J'ai vu trop de frères et sœurs tomber dans cette mer. Elles circulent en sachet plastique sous forme de bonbonne, couleur brune. Un truc qui peut vite détruire un homme. Il suffit d'une prise pour être pris au piège. Un gouffre, d'autres qui reviennent. En plus, ça fait beaucoup de gens autour de toi qui souffrent mais qui t'aiment. Arrête, je te jure, ça nous fait beaucoup de peine. Certains se déchirent, se tirent dessus, volent tout pour elles. À la faire cette mal, laissez beaucoup trop de traces. On sait quelle, physique ou mentale. C'est une spirale sans fin. Si tu ne veux pas être le prochain, ne suis pas les voies de ce chemin de fer. Car sur ces rails, il passe un train sans frein. Dans la vie, y'a certaines portes qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Ne cherche pas le diable ou il viendra à toi. Protège-toi et rappelle-toi que tu finiras perdant si tu joues à ce jeu-là. Dans la vie, y'a certaines portes qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Ne cherche pas le diable ou il viendra à toi. Protège-toi et rappelle-toi que tu finiras perdant si tu joues à ce jeu-là. C'est la nocturne, 100% rap français, l'ami Tariq au contrôle. Ouais, tu as vu cet accueil ici ou pas? Ouais, c'est super, hein. En tout cas, il y a de la voix, il y a de la chaleur et tout ça. Et en tout cas, ça me met, enfin, j'étais bien accueilli, ça me met à l'aise aussi pour pouvoir m'exprimer et défendre mon projet. Le morceau qu'on écoutait s'appelle La Poudreuse. La Poudreuse. Ouais, il est sur ton projet qui sort le 25, hein. Ouais, parfaitement. Donc 25 en support physique. En support physique, ouais. Et en digital aussi. Et en digital, peu de temps après. Oh, oh, oh, oh, oh. Calmez-vous. Fred, il y a de l'ambiance. T'arrives plus à tenir, Fred. C'est la nocturne, c'est l'ambiance nocturne. On est en direct, minuit 44. L'ami Tariq est là avec nous. Mentalité d'attaquant. L'honneur justement à tous les gens qui, j'ai envie de dire, qui se bougent le cul. Voilà, qui restent pas à attendre quoi que ce soit. Qui sont là, qui sont présents, qui partent d'une passion, qu'est le rap. Et qui font le Tour de France, parce qu'on disait tout à l'heure 600 dates, donc forcément il y a forcément des dates un peu partout, hein. Ouais, jusqu'au Sénégal, jusqu'à on a dépassé les frontières, même dans d'autres pays, ouais. Ça a été un peu partout. Ça nous arrivait de faire des concerts dans le même week-end, faire Paris, Lille, Nancy, Montluçon, donc d'enchaîner tout ça un petit peu. Quand tu le rappelais tout à l'heure, quand t'as fait un petit clin d'œil à notre passage sur CMP, voilà, on était signé sur un petit label parisien pendant 4-5 ans, d'où l'album Enfant du Monde, ouais, qu'on a écouté un extrait tout à l'heure. Bah, peut-être qu'on mettra un extrait encore avant 1h du mat. Hein. Ouais, tout à fait, c'est pour ça, nous... il n'y a pas eu vraiment de surprise, on arrivait petit à petit. Les groupes, notamment avec toutes ces dates qu'on a fait, toutes ces connexions, on a croisé quasiment tous les artistes d'aujourd'hui qu'on écoute toujours, et même des plus anciens, parce qu'il y aura depuis 96 maintenant, ça fait un petit bout de chemin. Et, j'ai arrêté de compter, hein, les gars. Donc, ouais, comptez si vous voulez, moi j'ai arrêté. Tout ça là, c'est le terrain. Mentalité d'attaquant, voilà. C'est aussi ça que je voulais expliquer. Parce que bon, j'ai deux grandes passions, qui sont celles du ballon rond. Ah. Voilà, le foot, je suis un mordu du foot. D'ailleurs, Tu joues? Je joue au MFC, d'ailleurs, je leur fais un gros clin d'œil, Montluçon Football Club. Et ils m'ont demandé. Tu joues pas ce week-end? Si, je joue demain soir, normalement. Oh merde. Je sais pas si on sera. Après une nocturne, je te garantis rien. Hein. Non, mais c'est un petit niveau. Ah oui, même. C'est tranquille, avec un petit peu d'entraînement, on arrive à faire l'affaire. Après, je voulais te dire, voilà, c'est le terrain. D'où mentalité d'attaquant. J'ai réuni mes deux passions. J'explique beaucoup de choses, tu sais. Dans la vie de tous, voilà, on prend tous des cartons jaunes, des cartons rouges. Comme j'explique sur mentalité d'attaquant, j'ai vu beaucoup de gens repartir sur civière, beaucoup de gens cirer le banc de touche, beaucoup trop de gens qui dribblent sur les poteaux de corner. Au lieu de faire des passes décisives, histoire qu'on atteigne chacun nos buts un peu plus rapidement, parce que bon, on vit en collectivité, et si on veut se la jouer perso, ça c'est se complique mort. Tout de suite. Ouais. Dans cette époque individualiste, voilà, c'est dur de partager, mais je crois en ça. Je sais que on fait des choses très grandes quand il y a du monde, voilà, en équipe, on fait toujours mieux les choses. Voilà. Et ben, mentalité d'attaquant, ça sort le 25. On va écouter un extrait, un morceau qui s'appelle Qui pourra ? Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. J'en ai rendu, j'étais dans le trou, mais je suis toujours revenu. Et comme on dit chez nous, ce qui rend plus fort, c'est pas la muscu, mais le vécu. Roule comme un 4x4 sur les dunes du sable et dans la boue. C'est pas l'assurance qu'on risque, mais Dieu qui me protège, c'est tout. J'ai l'esprit libre, avance en cortège, rendu ma neige comme un loup. Mentalité de warrior, j'aime piloter. Ne viens pas filonner, où je vais te filonner, te baisser et te culotter. Ici on fait de la musique sans se prendre pour des génies. Pas d'armes, pas de nichons en location. Juste des messagers prêts pour le combat, toujours en mission. J'arrive par le bas, frappe tous les cons sur le menton. Mentalité d'attaquant, tonton. Qui pourra me stopper? Qui pourra m'arrêter? Qui pourra m'arrêter? Qui pourra? Qui pourra? Qui pourra me stopper? Qui pourra m'arrêter? Qui pourra me stopper? On a la mentalité. Qui pourra me stopper? Qui pourra m'arrêter? Qui pourra me stopper? On a la mentalité. J'arrive à fond dans le son par la nationale. Sur l'autoroute du succès, trop de bouchons. La gagne dans l'ADN, je suis allergique à la défaite pour pollen. L'industrie est sous perfusion, je sors mon disque quand même. Qui peut croire en moi plus que moi-même? Qui pourra m'arrêter trop tard? Je suis dans l'arène. Passe comme un aigle en leur faisant coucou. Laisse-les parler, me regarder avec leurs yeux de hibou. Sur les mains d'un menuisier, je compte ceux qui me soutiennent. Ils sont tous jaloux. Aucune confiance en ces ripoux. C'est à la fin qu'on fait les cons. J'arrive à l'heure sans montre. Sans carte GPS, je fais le tour du monde. Mentalité d'attaquant, tonton. J'inonde les zones. Qui pourra m'arrêter? Qui pourra me stopper? Qui pourra me stopper? Qui pourra m'arrêter? Qui pourra me stopper? On a la mentalité. Qui pourra me stopper? Qui pourra m'arrêter? Qui pourra me stopper? On a la mentalité. Planète rap, 100% rap français. représente le bruit et l'odeur. Tous les frères, sœurs, leur famille, loin des yeux et proche du cœur. Ici je danse entre le rail et puis la musique de France. L'été je taille quand y'a de la maille et des vacances. Ça me fait du bien de retourner aux sources, de respirer les bonnes odeurs comme celle du tagine ou du couscous. J'ai besoin de revoir la famille, tous les cousins, car là-bas sont mes souches. Mais j'évolue ici, je vais pas cracher dans la soupe. Et rien à foutre si on me regarde louche comme si j'étais un martien qui venait de se poser en soucoupe. Simplement parce que j'ai la peau teintée, la coupe qui gêne, c'est dans mes gènes, mec écoute. Les fils du bled venus chanter pour l'Afrique et le Maghreb. On fuck tous les antisémites et tous les xénophobes de la planète, en restant proche des miens et à babelouette de l'esprit communautaire. Raciste contre les confrères, je suis un citoyen français avec le sang 100% Marocco. Algérie, Tunisie, où on vit au rythme de la nuit, où tu pourras écouter le chant des you-you. Mais à quand la coupe du monde chez nous? Une dédicace à tous mes frères qui tiennent à Hanout, aux chauffeurs taxi, aux vendeurs nerfs, à tous ceux qui répondent à l'appel à la prière. Toutes nos familles derrière les frontières, nos frères, sœurs de l'autre côté de la mer. Va faire un tour en carrosse à Marrakech. Amène ta princesse pour une noce. Passe par le souk, tu verras, tu me diras qu'on y mange bien pour quelques dirhams. Fissa, Marca, Outra, Ehrera pendant le Ramadan. On est né là, mais on est de là où ça joue au foot pieds nus sur les cailloux. De là où le soir, ça joue du Derbouka. Ou dans les stars, on jeta. Tout le monde est là. Eywa. Eywa. Tout le monde est là. Nocturne 100% rap français, l'ami Tariq au contrôle et un extrait de cet album Noir sur Blanc à l'instant. Hein. Ouais, un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil aux origines. Aux voilà. origines, voilà, voilà, parfaitement. Fils du bled. Fils du bled, ouais. Une petite dédicace au passage, hein, des, aux cousins, aux frérots qui posent dessus, de, du côté de Toulouse, voilà, des connexions qui sont faites un peu partout. Belle casse. Donc voilà, belle casse. 31 Kassem maintenant, 31 Macouille, Toulouse. Il y a des Toulousains, il y a des Toulousains ici, de ouais. Ah, tu vois, il y a des connexions un peu de partout. Il y a la Guapa, regarde la Guapa qui est là. Notre musique, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas que du son, quoi. C'est pour ça, tout à l'heure, Tariq, ça me faisait penser quand on parlait de connexion et tout. Il y a un jour, on était posé dans notre petite campagne, Fred, à Montluçon, que t'as découvert. On a un coup de fil de Ross, de Paris, qui nous dit, demain, faut monter dans les studios. Il y a un mec de New York qui vient, il fait un passage. Il veut poser un freestyle avec vous. On est arrivé, on a débarqué à Paris, porte de Montreuil, on est tombé sur qui dans les studios? Jay-Z. Non, Capadonna. Ce qui est pas mal aussi, Capadonna, Wu-Tang, Wu-Tang, ouais. Et le morceau, on peut le retrouver en featuring avec Noir sur Blanc, sur Projet H. Bah, c'est la passion, voilà, c'est la passion. Qui s'appelle Notre Liberté, le titre d'ailleurs. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est, bah, en fin de compte, c'était notre premier, premier featuring. Moi, j'ai toujours écouté les rappeurs parisiens à l'époque de mon poste. J'écoutais Skyrock, j'écoutais tes émissions, Fred. Voilà, je découvrais tout un tas de sons qui m'a permis d'évoluer, qui m'a aussi en partie éduqué. Parce que j'ai grandi avec ça. Je me réveillais le lendemain, le poste il tournait en boucle encore, voilà. Et c'est vrai que bon, ça vient de partout. Il y a des bons, hein, des bonnes choses à prendre. Voilà, chez tout le monde, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas à tout bon non plus. Bon, voilà, on prend ce qui nous correspond. Voilà, tout simplement, on fait de la musique. Bon, messieurs, je vous propose un morceau encore et après on file sur le live, ça vous va? C'est parti. Allez, vas-y. Alors qu'est-ce qu'on met, noir sur blanc ou ton album, l'ami Tariq, comme tu veux? On peut rester sur du noir sur blanc. Allez. Je pense qu'on a assez fait découvert. Ok, il faut garder des surprises pour mercredi. Un peu de surprise pour mercredi, pour aller faire le geste de solidarité dans les bacs. Exact. Pour les Parisiens, ça se passe à la FNAC, au Forum des Halles. Et pour en province un petit peu, donc il va être un peu partout dans quelques FNAC. L'ami Tariq, mentalité d'attaquant. Ouais, voilà. C'est ça. Mais le 25 mars. Je veux souligner quelque chose. Moi, je suis pas là non plus pour forcer les gens à aller acheter un album. Voilà, j'aime pas qu'on me force. Donc, je force personne. J'invite juste les gens. Tu fais pas si, par exemple, tu fais pas si, si tu vas pas le chercher, on vient te chercher, en fait. Ouais. Bah, écoute, ça me va. Ça te va, ouais. Mais moi, j'invite juste les gens à venir découvrir ce que j'ai à faire partager. Je fais de la musique, avec tout ce avec que je me suis construit avec le cœur, avec passion et ça a bon entendeur. Voilà. Alors, on repart sur quoi? Noir sur blanc, quel morceau on met alors, messieurs? On va peut-être mettre la 4 parce que ça résume un petit peu on va mettre le titre de l'album, Enfant du Monde. Ça résume ce que disait Tariq tout à l'heure. Dans ce qu'on écoute en ce moment, dans le milieu du rap, il y a du bon et du moins bon. Aujourd'hui, nous, on est juste pour dire que c'est du rap authentique. C'est du naturel. Ce qu'on vient dire, on n'est pas venu en donneur de leçons, en termes d'enseignant. On est juste là pour dire, voilà, il y a autre chose, il y a une autre alternative dans le rap. On dit les choses comme ça et pas autrement. Voilà. Enfant du monde? Enfant du monde, c'est parti. Nocturne, noir sur blanc avec l'ami Tariq au contrôle. Mentalité d'attaquant, le 25 mars dans les bacs. On investit dans l'armement, le nucléaire. Pendant que des millions de gens meurent de faim sur terre. Notre planète se réchauffe, c'est ce qu'indique la sonde. Une prière pour tous les enfants du monde. On investit dans l'armement, le nucléaire. Pendant que des millions de gens meurent de faim sur terre. Notre planète se réchauffe, c'est ce qu'indique la sonde. Une prière pour tous les enfants du monde. Oubliez vos soucis, le temps d'une chanson. Je vous emmène avec moi au-delà de l'horizon. Où y a des enfants qui souffrent. Travaille dans les mines de Java pour récupérer le souffle. Toute la journée, y en a qui cassent des pierres. Ils passent leur temps, leur vie dans une carrière en Afrique. Un enfant meurt toutes les 4 secondes. Manque de médicaments, des maladies du tiers monde. Pour eux, ce n'est pas la virose. Des gosses atteints de la tuberculose. Et tous ces petits qui veulent garder la foi. Qui voudraient les débuts d'une nouvelle histoire qui commence par il était une fois. Respect à tous les enfants orphelins. Chagrin, ceux qui rêvent de revoir leurs parents, tués par les bombes du Proche-Orient. Imagine sa peine, cet enfant n'a plus rien. Imagine que l'on prenne l'un des tiens. Oh. J'imagine qu'on libère ce petit Africain, esclave moderne à cause des politiciens. On investit dans l'armement, le nucléaire. Pendant que des millions de gens meurent de faim sur terre. Notre planète se réchauffe, c'est ce qu'indique la sonde. Une prière pour tous les enfants du monde. On investit dans l'armement, le nucléaire. Pendant que des millions de gens meurent de faim sur terre. Notre planète se réchauffe, c'est ce qu'indique la sonde. Une prière pour tous les enfants du monde. On n'est pas né sous une mauvaise étoile. Quand je vois tous ces enfants talibés du Sénégal. J'écris ces lignes à la mémoire des victimes du 11 septembre ou du tsunami. Hommage aux familles. Ici c'est pas la vie au Rwanda ou celle d'un petit du Kenya frappé par l'épidémie du sida. La lèpre a touché trop de Sogo, Congo. Beaucoup d'entre eux sont partis trop tôt. J'aimerais avoir le don de les soigner. Que Dieu puisse les épargner. Mes frères, mes sœurs, y'a bien plus malheureux que nous sur terre. On aurait pu être cet Irakien qui a vu ses parents se faire tuer par des soldats américains. Ou ce jeune Palestinien posté derrière cette muraille qui les sépare des Israéliens. Et si il y a autant de clandestins, c'est parce que là-bas, c'est pas les mêmes besoins. À chaque seconde, des millions de personnes meurent dans ce monde. Faute de prévention et de soins, parce que c'est le fric qui contrôle. Parce que c'est le fric qui contrôle. On investit dans l'armement, le nucléaire. Pendant que des millions de gens meurent de faim sur terre. Notre planète se réchauffe, c'est ce qu'indique la sonde. Une prière pour tous les enfants du monde. On investit dans l'armement, le nucléaire. Pendant que des millions de gens meurent de faim sur terre. Notre planète se réchauffe, c'est ce qu'indique la sonde. Une prière. La Nocturne avec l'ami Tariq au contrôle sur Skyrock. Toujours présent. Bon, 1h du mat, il est grand temps, je crois, de passer au live maintenant. Allez, c'est parti. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Je suis toujours chaud. On va saluer quand même Seb aussi. Seb, il faut dire un petit coup. Ouais, bah oui, Seb, il va se présenter. Alors, Seb, vas-y, un petit mot, Seb. Ben, merci de m'avoir invité d'ailleurs sur le plateau Sky avec Tariq et toute l'équipe. Alors, tu es qui, Seb? Tu es qui? Bah, moi, je suis un jeune de 20 ans. Ouais. Qui est. Tu rappes? Pardon? Tu rappes? Non, je rappe pas. Ah, tu rappes pas, Seb? Ouais, non, désolé. Tu fais quoi, là? Ben, moi, c'est. Je chante on va dire, à l'américaine. Ah oui, tu chantes? Oui, enfin bon, ok, tu rappes, tu chantes, d'accord. C'est un Guyanais. Ouais, Guyanais. Et t'es à Montluçon? Ouais, je suis venu à Montluçon, perdre ici. Je suis venu. C'est un tiers du monde, Montluçon, frère. Bah, attends, mais c'est. Tu sais, l'immobilier n'est pas très cher là-bas, si. T'es le bienvenu, hein. S'il y en a qui veulent faire des opérations, c'est le moment ou jamais, ouais. Non, mais Seb. Non, faudrait pas que je dise ça, ils vont augmenter les tarifs. Hicham, dis un mot sur Seb, ouais. Ouais, Seb, pour faire le lien avec Seb, c'est avec ta venue, ouais. Comme je le disais tout à l'heure. Bah, j'en profite pour faire un clin d'œil à Nico, qui nous a servi. Ouais, Nico, grosse dédicace, ouais. Grosse dédicace à Nico. Inventons demain. Et donc voilà, c'est lui qui a organisé tout ça. Seb a répondu présent, hein, il est venu avec la vingtaine de jeunes pour écrire autour du thème la lettre au président. À partir de là, on a revisionné les vidéos, on a fait un choix et on s'est dit ça va être le premier jeune qu'on va faire le lien, le tremplin avec Tariq, avec l'album Mentalité d'attaquant. Et on a promis avec ton accord, on a promis aux autres jeunes de les faire découvrir les studios au fil du temps. Moi je pense temps, à Nora, voilà. Notamment voilà Nora, la petite Nia, le petit Niaf, Kazim, le petit Kazim. Donc voilà, tous ces petits jeunes qui nous sollicitent. Quand je te disais tout à l'heure, si on aurait pu organiser un bus, voire même deux, ils étaient prêts à monter. Ils étaient tous prêts, là ils sont en trois. Là il y a la chaleur qui monte chez eux là en donc ce moment. Voilà. Là, ils sont tous en tout cas, on les salue tous, vraiment. C'est normal, toute la jeunesse. Tous, ouais. Voilà. Et on le fera, vous inquiétez pas. Même si ça prend du temps, on le fera. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, ils nous ont désigné comme porte-parole de cette jeunesse molussonnaise et de la province. Donc voilà, on leur tire un grand chapeau. Et comme tu le disais, on le fera, même si le temps. On a encore du temps. C'est vrai que parfois ça peut paraître long, mais il faut du temps. C'est vrai. On attaque le live? Aïe. C'est parti. Yeah. C'est nous contre eux. C'est nous contre eux. Hey, c'est l'ami Tariq en direct de Skyrock. Mentalité d'attaquant le 25 mars, mon pote. Je suis dans un bad trip, bad rap, beat trap, boom, clac, l'ami Tariq, clic, pow, je vais tout fumer, les mettre KO, j'ai plus d'un flow dans mon chapeau, lunettes noires, cherche pas à voir ni à savoir, écoute plutôt, ce que je dis, c'est règle dit, sans détour ni arrondi, je fuck Marine et tous les partis, les politiques, des hypocrites, des serpents qui font semblant, qui se foutent des gens, des Pinocchio au long nez et aux grandes dents, on n'a plus le temps pour rien ni pour personne, peur à nous choque, non, peur à nous étonne. On lève les yeux pour croire et prier Dieu. Car ici beaucoup slalom. On préfère la nature et l'animal à l'homme. Dans cette société de paraître, tout dans le visu, tout dans la com. J'ai vu nos valeurs se jeter par la fenêtre, notre fierté et notre honneur dans les avis d'obsèques. J'ai vu des gens éduquer des chiens et foutre leur mère en maison de retraite. 21e siècle, tout en high tech. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. On a donné l'alerte, ils ont coupé les fils de la sonnette. C'est maxi le smic quand t'es trop franc, quand t'es trop honnête. Si tu veux plus, faut se baisser, ramasser la savonnette. Y'a toujours eu un baiser et un baiser, prouve-moi le contraire, merde. C'est pas des carottes mais des courgettes qui veulent nous mettre. Ils sont tous pourris, corrompus, véreux, trop malhonnêtes. Plus personne de sérieux dans cette foutue planète. Ils ont tous pété les plombs, obsédés par le pognon. Fini souvent avec une balle dans la tête. Crâne rasé, fondu et coupe en brosse à notre époque, mais fit en plus d'un gringalé que d'un molosse. Dans un shot sale défoncé, ça fait des sales gosses. Génération de cassos, diplômés par la Corse, évite de bomber le torse. On n'a plus le temps, on n'a plus le choix que de leur entrer dedans. On a repris leur technique comme un flingue qui se retourne contre eux. La meilleure défense reste l'attaque, malheureusement pour eux. Malheureusement pour eux, c'est toujours nous contre eux. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. Yeah. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. C'est nous contre eux, c'est nous contre eux. En direct de Skyrock. C'est l'ami Tariq, mon pote. Mentalité d'attaquant. Eh, le 25 mars. Pour plus d'infos, www.lamitariq.com. Oh. Écoute, écoute ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. On dit les choses comme ça et pas autrement. L'ami Tariq, mentalité d'attaquant. Oh. Oh, je vais faire la diff car j'aime le challenge. Micro entre les phalanges. MC, envoie ton son pour que je l'arrange. Arrête de dribbler et fais-moi la passe D. J'ai toujours ce besoin de faire trembler les filets. Mentalité d'attaquant, chaud dès le coup de sifflet. Envoie la concurrence sur le banc ou à l'échauffement. Fonce en battant le rétro, pas le temps pour les charlatans. Je fais le plein de coco et frappe toujours à du poteau. Affole les compteurs pendant que les faux me copient. Cherche le péno, je les fais tourner en toupie. J'ai mille techniques, mille raisons, les torpilles. Avant les prolongations, j'ai la vision. Débloque le jeu dans n'importe quelle situation. Hip hop soccer. L'ami Tariq pour tous les frères et sœurs. Mentalité d'attaquant. On dit les choses comme ça et pas autrement. Hip hop soccer. L'ami Tariq pour tous les frères et sœurs. Mentalité d'attaquant. Les choses comme ça et pas autrement. Deuxième mi-temps, j'enfonce le clou. Pas de figuration, zéro simulation, ça joue le domaine. J'encaisse les coups, mais dans le jeu, on les étouffe. On les scène tous, qu'ils comprennent une fois pour toutes qu'on est prêt à tout. Frappe à ce grosse basse et coup de tête dans le thorax à la Zizou. Une équerre à la Canto pour leur dire bonjour. Né sous le signe de la victoire, je prends les commandes sans laisser de pourboire. Sans me demander ton avis, ni merci, ni au revoir. Partie de que dalle, petit freestyle pour la déconnade. Ensuite, j'ai l'appétit, deviens un titulaire indiscutable. La mitard. Mentalité d'attaquant. On dit les choses comme ça et pas autrement. C'est sur Skyrock. L'ami Tariq, je représente le 0300. Eh, jusqu'à Clermont-Ferrand. On dit les choses comme ça et pas autrement. Hip hop soccer. L'ami Tariq pour tous les frères et sœurs. Mentalité d'attaquant. On dit les choses comme ça et pas autrement. Hip hop soccer. L'ami Tariq pour tous les frères et sœurs. Sur Skyrock. Mentalité d'attaquant. Yeah. On dit les choses comme ça et pas autrement. Eh hey. Yeah. C'est l'ami Tariq et Jadon Cole. Yeah, présent. Eh hey. Nouvelle ancienne école. Eh hey. Sur Skyrock. On va mixer ça. On dit les choses comme ça et pas autrement. Mentalité d'attaquant. Yeah. These niggas wanna see the starburst only, but when your mother's eyes, they don't know that even out in the eyes, not being somebody can be what I'm saying. What I'm saying, my ticking out loud, my ticking out loud. What I'm saying. It might ticking out loud, loud. Le pied à fond sur l'accélérateur, je pars vivre mes rêves, quitte à faire fumer le moteur. Je roule toute la nuit, je suis chauffeur, livreur, sans GPS, au fourneau et à la caisse. On construit pas sa vie en bas de la thèse, fiston. Lève ton cul, regarde ailleurs, l'horizon est infini. À part la pluie, un peu de neige, quelques grêlons, y'a rien qui tombe du ciel, l'ami. Lève-toi de ta chaise, rien n'est fini, c'est que le début, chacun son but. Moi je vis mes rêves à la New York City, yeah. This niggas wanna steal a Starbucks. Only bow when your mother's eyes, they don't know that even are in the eyes. Not being somebody, being what I'm saying, what I'm saying. My ticking out loud, what I'm saying. It might ticking out loud, loud. Guess who is back? Only my brother know my true past. These niggas, give me the power. Yeah. These niggas here, they no ambition. They prefer to play the role of a counter. I prefer to escape from New York. Rather than stay here. Still of a wing. Give me the power, I show you how to convene. Take any joy, but forever. I would like to fly across the sky. Playtime is over. Young forever. Hey. Young forever. Sur Skyrock, c'est la mitari qui est Jaden Cole. Yeah. These niggas wanna steal a star, but it's only bow wow, one new mother. Eyes, they don't know that even are in the eyes. Ah ouais. Not being some pack of being what I'm saying, what I'm saying. Might take him out loud, what I'm saying. It might take him out, take him out, take him out loud. On trouve pas le bonheur dans l'annuaire. J'ai fait du chemin, changé de fuseau horaire. J'ai pris des risques, le mental et tout terrain. Chez nous, pas de coups de piston, mais des coups de rein. Fier comme un aigle, je partirai droit comme un soldat. Je veux voir plus loin, j'arrive d'en bas, j'ai toujours faim. J'ai autant de rêves qu'il y a d'étoiles dans le ciel. C'est marche ou rêve, je suis sur le chemin. J'y crois tel un gamin, les yeux tout pleins. Comme devant un sapin de Noël. Je sais que ce monde est fourbe, je vais pas leur faire les yeux doux. Je passe sans faire de cours pour se faire une place. Obligé de faire le double. Roule, roule sans poser de questions. J'ai confiance en mon instinct. J'arrive cool, cool. À la hauteur des ambitions, c'est pour les miens. Du 03 au 63 jusqu'à Paris. L'ami Tariq, c'est sur Skyrock. Yeah! 25 mars dans les bacs. Ouais, ouais. On dit les choses comme ça. It might take him out loud. Hey, mentalité d'attaquant. Le 25 mars, mon pote. Oh, c'est dans les studios Skyrock. Une spéciale à Fred pour la nocturne. Hey. Une petite dédicace aussi à mon pote de l'AS Monaco, Nabil Dirar. Je le remercie pour ce qu'il a fait pour moi, pour le match. Hey. Fuck, fuck to my enemies. Un pour mes amis et deux pour mes ennemis. Un grand merci, c'est grâce à tous si j'en suis où j'en suis. La jalousie, l'hypocrisie des traites, ça m'a toujours boosté. Fait comme un effet starter, frère. Je ne me baisse que devant Dieu ou mon père. Donc ils aillent tous se faire, mais Dieu seul me jugera, Dieu seul restera. Mais que mes ennemis soient tous d'accord, je reviendrai toujours plus fort, sinon je meurs. J'ai pas pour habitude de me plier, de rentrer dans les rangs, le nez dans mes souliers. J'ai grandi, je ne suis plus un petit écolier. Je ne suis pas là pour cogner, mais j'aime gagner. Personne ne me connaît, j'arrive et me présente. L'ami Tariq du bout de ma plume. Et toi qui m'as freiné, c'est moi, est-ce que tu me remets? Je suis de retour, gare à tes fesses, tu risques de te faire fumer. Et on verra si t'as toujours autant de couilles, car il faudra bien assumer ma couille. Fuck, fuck, fuck, fuck to my enemies. Fuck, fuck, fuck, fuck to my enemies. Fuck to, fuck to my enemies. Fuck, fuck, fuck, fuck to my enemies. Fuck to, fuck to my enemies. Fuck, fuck, fuck, fuck to my enemies. Fuck to, fuck to my enemies. Plus on écoute chez les GG qu'à la Fnac. Ils me connaissent par cœur, savent que je suis pas un canard, mais que je canard tous les connards, tous les lanceurs de poignards, tous ceux qui devant te dressent un salut avec un air de faux cul. Façon on avait vu et senti ton cul. Tu pues la défaite, mec, pendant que tu baves non taf, pendant que tu fais du surplace non trace. Même si tu me prends de haut avec ton vieux costard derrière ton bureau, ne me prends pas pour ton esclave. Oui, je suis de ceux qui ne se baissent pas, monsieur. Ceux qui font l'amour et qui ne baissent pas, messieurs. Et si c'est moi qui trépasse le premier, alors ne te déplace pas, fumier. L'ami Tariq et ses ennemis sont sur un bateau qui tombe à l'eau. Et ben je cours aux commandes et je fais couler le bateau. Fuck, fuck to my enemies. Fuck, fuck, fuck, fuck to my enemies. Fuck to, fuck to my enemies. Fuck, fuck, fuck, fuck to my enemies. Fuck to, fuck to my enemies. Fuck, fuck, fuck, fuck to my enemies. Fuck to, fuck to my enemies. Fuck, fuck, fuck, fuck to my enemies. Hey, c'est l'ami Tariq en direct sur Skyrock, sur la nocturne. Une spéciale à Fred. Merci, frère. Hey, de rien. Fuck, fuck, fuck, fuck to my enemies. Fuck, fuck, fuck, fuck to my enemies. Fuck to, fuck to my enemies. Fuck, fuck, fuck, fuck to my enemies. Fuck to, fuck to my enemies. Fuck, fuck, fuck, fuck to my enemies. Fuck to, tout ma ennemise. Fuck tout ma ennemise. Ouais. Mentalité d'attaquant, le 25 mars mon pote. Eh, ça en direct, c'est sur Skyrock. Avec Jadon Cole, avec Samy, avec Hicham. Un clin d'œil à noir sur blanc, à mon ref. Eh, c'est le dernier du live. Eh, une réadaptation. La vie est une route à sens unique où il est pas permis de faire marche arrière, pas permis de faire demi-tour. On vit avec nos regrets, nos remords, nos chagrins, nos soucis de tous les jours pour chacun et pour la vie. À mon avis, pour qu'on avance, il y a des choses qu'il faut qu'on bypasse. Malheureusement et heureusement, dans ma tête, il y a bien plus de place. Dehors, toujours autant de crasse. Des proches partis loin et qui ici ont laissé leur place. Des amis devenus ennemis pour leur X-face cachée. Combien d'amitiés bâchées, combien d'amour taché, te plante dans le dos, te donne la rage de vouloir tout mettre en miettes, mais faut pas tout foutre en l'air sur un coup de nerf ou sur un coup de tête. Quoi qu'il puisse se passer, c'est le destin et c'est déjà écrit, déjà tracé. Et ni toi ni moi ne pourrons rien y faire ni rien effacer. Je fais que retracer les faits, repenser. Quand on perd quelqu'un ou ce que l'on a, c'est là que l'on se rend compte de ce que l'on a, de ce qui nous reste, tant de choses qu'on ne pourra jamais effacer. C'est le passé qui nous reste, tant de choses que je regrette, tant de choses à classer dans les oubliettes. Quand on perd quelqu'un ou ce que l'on a, c'est là que l'on se rend compte de ce que l'on a, de ce qui nous reste, tant de choses qu'on ne pourra jamais effacer. C'est le passé qui nous reste, tant de choses que je regrette, tant de choses à classer. Ici c'est dangereux, trop risqué, où faut sauver sa peau car ça tient à rien. Mieux vaut être bien fixé, pas baisser les bras, même si on tire sur le dos, qu'on a mal aux reins, qu'on souffre en silence, qu'on baisse la tête parfois pour la garder haute. Ici chaque accroche son trou, au fond on fait tous les taupes, on fait surface pour replonger dans des nuits de folie, de désir, de regret, d'angoisse, de rêve de gosse, d'envie et de fantasme. On est tous pareils, même si on n'est pas de la même taille, qu'on fait pas le même poids, qu'on chose pas pareil. Tous égaux dans le fond, mais pas dans la forme, ni l'art ou la manière de pratiquer. Tous des ouvriers avec des notions du bien, du mal, mais pas à la même échelle. Tous des problèmes ou des causes à défendre, mais pas à la même échelle. Tous dans la même enseigne, certes des regrets éternels, comme ces vagues sur la mer, souvenirs qui ressassent au pluriel. C'est là que l'on se rend compte de ce que l'on a, de ce qui nous reste, tant de choses qu'on ne pourra jamais effacer. C'est le passé qui nous reste, tant de choses que je regrette, tant de choses à classer dans les oubliettes. Quand on perd quelqu'un ou ce que l'on a, c'est là que l'on se rend compte de ce que l'on a, de ce qui nous reste, tant de choses qu'on ne pourra jamais effacer. C'est le passé qui nous reste, tant de choses que je regrette, tant de choses à classer. C'est ce fameux un lundi 12 juillet, soleil assez joyeux, jusqu'à ce que je me retrouve en face de quelqu'un que je côtoyais, qui elle, si je peux dire, ce jour-là était possédée. Me voilà au sol, plein de sang, et me voit déjà partir au ciel, et vite, direction les urgences. On prévient ma mère, pétrifiée, à pleurer des litres à son arrivée aux urgences, et deux opérations se sont succédées de bloc en bloc opératoire. C'est là que j'ai vu, que j'ai su que j'étais riche avec la santé, l'envie de marcher quand t'es bloqué dans un lit hospitalier, l'envie de manger quand tu peux pas, qu'on te dit que tu dois rester à jeun, qu'on va te repérer. Et merci, je suis ici, j'ai les pieds sur terre, j'ai récupéré, malgré ces malheurs qui vont et viennent ou ces douleurs occasionnelles. Zéro regret pour mon passé. Quand on perd quelqu'un ou ce que l'on a, c'est là que l'on se rend compte de ce que l'on a, de ce qui nous reste, tant de choses qu'on ne pourra jamais effacer. C'est le passé qui nous reste, tant de choses que je regrette, tant de choses à classer dans les oubliettes. Quand on perd quelqu'un ou ce que l'on a, c'est là que l'on se rend compte de ce que l'on a, de ce qui nous reste, tant de choses qu'on ne pourra jamais effacer. C'est le passé qui nous reste, tant de choses que je regrette, tant de choses à classer dans les oubliettes. Eh, c'est l'ami Tariq en direct de Skyrock. Mentalité d'attaquant, c'est le 25 mars mon pote. Eh, on dit les choses comme ça et pas autrement. Un clin d'œil à la famille, à noir sur blanc. Eh, à toute ma ville, de 0300 jusqu'à Clermont-Ferrand. Eh, c'est en direct de Skyrock. La nocturne, bravo, merci beaucoup l'ami Tariq. Merci à vous, j'ai plus de voix, je suis un peu sec là, au niveau des cordes vocales. Parfait. Que ça dure plus longtemps. Non, nickel. De toute façon, c'est ce que j'allais dire, Fred. Pour ceux qui en veulent encore plus, encore ce soir, notamment pour les Parisiens, d'ici 3 mois, on est de retour. Le 23 juin, Fred, le 23 juin, vous êtes tous invités. On en profite pour vous inviter. Toute l'équipe de Skyrock est ici présente. Il y a du monde. Hein. C'est dans un petit théâtre, dans le 12e. Vous êtes les bienvenus. Ça va se passer dans le 12e arrondissement. Un petit théâtre, le théâtre La Traversienne. La Traversière. Où il y a pas mal d'artistes qui sont passés, notamment. Tu dis petit théâtre, tu la joues quand même. 300 places. C'est quand même pas mal. 300 places. Donc les 300 premiers. Après, on se serrera un petit peu pour découvrir. L'ami Tariq, L'ami Tariq, il y a des dates de prévues un peu aussi, hormis Paris. Molusson pour la sortie de l'album. On est en cours de finalisation de la date. Donc ça sera le dernier, on est en train de voir pour le dernier week-end de mai. Okay. Fin mai, début juin. Ça se passera du côté de la MJC qui s'appelle maintenant le 109 Molusson. Et là où tout a démarré. On présentera l'album comme il se doit. Bon, voilà. En tout cas, merci à vous. Petite dernière dédicace, on fait le tour de table. Moi, je peux pas citer l'un et l'autre et tout ça. En tout cas, j'embrasse tout le monde. J'embrasse ma famille, ma petite fille, ma femme. J'embrasse mes parents, tous ceux qui nous écoutent, tous mes amis, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui savent ce que je fais, tous ceux qui me soutiennent. Je te remercie, toi. Je remercie Skyrock. Voilà, j'ai la liste. En tout cas, je vous fais un gros big up à tous et à toutes. Merci de nous écouter, d'avoir veillé aussi tard pour pouvoir suivre l'émission. Et rappelle-nous où on peut te suivre aussi, c'est important. Sur mon site officiel, lamitarek.com, www.lamitarek.com. Yes. Après, Facebook, Lamitarek officiel. Facebook, voilà. Twitter, Skyblog, LinkedIn, tous les réseaux existants. On contrôle le réseau. Voilà. Après, il y a le virtuel, mais je suis un homme de terrain. Voilà, mentalité attaquant, ça se passe dans la zone de vérité. J'essaye d'atteindre mon but, comme tout être. Voilà, l'objectif, c'est pas de rêver de vivre, mais de vivre ses rêves. On fait tout pour et voilà. Et merci à toi, merci Seb aussi. Merci à vous, merci à Tariq, merci à Sky, merci à Hicham. Longue vie à Skyrock. On va essayer. Si. Merci à toi. Et le 23 juin, rendez-vous à la Traversière. Merci à toi, merci Fred, à vous tous. Merci beaucoup. Une petite dédicace à Montluçon, à la famille. 03. C'est ce que j'allais finir sur ça, sur cette touche, c'était de dire voilà, aujourd'hui la province a été Skyrock a été le centre de la province. Voilà. On a dirigé tout le monde vers cette radio ce soir et l'opération qui a renouvelé. Voilà. Merci. Et merci à vous. Et on rappelle le 25, l'ami Tariq, mentalité d'attaquant. Et pour ceux qui veulent en avoir plus, il y a aussi Noir sur Blanc qu'on peut retrouver avec Enfants du Monde. On a passé des extraits sinon. Ouais, il y a aussi Yann Seca, La route est longue. Ouais. Qui est déjà disponible, c'est mon compère. Donc voilà. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous et force à vous, longue vie. Merci Skyrock. Les gars. Ciao. 100% La Nocturne continue. Caris, Cristal avec Future. 9-3. Future Hendrix Fire, moi je suis Future the Wizard, you know what I'm saying? LBG, we global. RGT. Oh, I won't trust these bitches. These bitches gon' tell. We don't trust no stick around none of these bitches. These bitches gon' tell. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter. I serve a whole bell. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' that 12. Nigga shootin' that police. Je me devais de les Kalashnikov. Je me balade au cimetière avec mes trophées. Je fume un joint de bœuf pour me doper. La guerre on va la faire, y'a R, je suis OP. Je leur pisse dessus comme sur une aire de repos. Les couilles se voient même de dos. Balai ton trait, tu pas ton topo. Ici tous les coups sont vrais, t'es pas heureuse beau. Ceux qui te touchent ne m'effleurent pas. Je rentre dans le carré comme Bobby Shmurda. AK chargé et tu smurfras. Cristal que crash, mélange dans la cuisine. Deux implants ton legging sur le siège chauffant. Ce n'est pas un leasing. Mon gang est sur le listing. Tu m'attaques, il paraît. Rafale et ta chatte disparaît. J'augmente la dose dans le trafic. Et la criminalité sur le graphique. Même dans la saleté, faut que je m'applique. J'fais des hat-tricks, je viens d'Afrique. J'prends le pouvoir comme Napoléon. Roi soleil éclairé par les rayons. T'es ébloui par mes clénons. La chute te donne les oreilles. I want to these bitches. These bitches gon' tell. We don't trust no stick around none of these bitches gon' tell. Here you go. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter. I serve a whole bell. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' that 12. My young nigga. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' that 12. My young nigga. We don't carry no sticks around none of these bitches gon' tell. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter. I serve a whole bell.

C'est fini pour la nocturne 100% rap français. Merci à vous tous. Il y a un moment où il faut savoir arrêter. Merci à vous tous d'avoir veillé tard en tout cas. On a fini avec un son Diams. On pense à elle ce soir en tout cas. Et nous aussi on emmerde. Voilà. Peu importe si c'est ça arrive et tout. Voilà. C'est pas fini. 2h16, on s'en fout, c'est fini pour la nocturne 100% rap français dès lundi. C'est la sous-débarque, prochaine nocturne, minuit, 2h, juste après Difool, ce sera vendredi soir. Merci à vous tous, Fabuleux, t'es prêt ou quoi, gros? Je suis chaud, gros. Ouais. On est là, on est là. Merci à vous tous. Un son pour calmer tout le monde, parce que même si on les emmerde, il faut toujours emmerder avec beaucoup d'amour. Et Bob nous a montré le chemin. Ciao, bon week-end. Rap, R&B, non-stop, Skyrock.